somnolé. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre qui te laisse croire que le monde est noir, mais trop tard, perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Stop, je tisse tes liens, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construis dans le vide. Les gens me disent, l'espoir fait vivre. Comment faire vivre, je suis un zombie. Je suis un zombie. Je suis un zombie. Stop, calme un peu les choses. Là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent. Me conseiller, mon subconscient me déconseiller, mais mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseiller, mon subconscient me déconseiller, mais mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient.